children of each demographic. Jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. Ce qui se passe sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89. Attention, cher public, la sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonjour cher public et bienvenue à une toute nouvelle émission de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou où l'on vous parle de sujets lourds mais avec une légèreté. En incluant la personne qui parle, Sébastien Gartin, Lucas Hubert, mon animateur habituel. C'est moi! Et aujourd'hui on a deux invités, on a Guy Haïssi, président du Complice avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Et on a Manfous Lawani qui va nous rejoindre dans quelques minutes, qui est le secrétaire général du Complice. On va en parler un petit peu plus tard, tout de suite après notre tour de table. Les deux sont membres, entre autres, du comité contre la hausse des frais scolarités des étudiants internationaux. Premièrement, on va commencer par notre tour de table habituel. Lucas, comment s'est passée ta semaine? Ah, moi, cette semaine, j'ai réalisé, Sébastien, qu'on avait enfin connu le succès. Oui. Le succès, t'as l'air un peu sceptique. Ouais. Bon, cette semaine, j'ai été dans un vin et fromage et il y avait des gens qui nous connaissaient. Il y a des gens qui connaissaient l'émission. Il y a une jolie blonde qui est venue voir, qui a dit « Hey, j'ai même presque fait faire un jeu d'alcool sur votre émission. À toutes les fois que t'interromps Sébastien, Lucas, on se prend un shooter. » Bon, tu devais être seul après 15 minutes. Bon, ben, ça c'est méchant. Bon, ensuite, j'ai été au Zénob aussi cette semaine. Au Zénob, il y a deux personnes que je connaissais pas qui sont venues me voir. « Hey, c'est toi l'animateur de l'émission de gauche? » Ouais, crime, vous écoutez ça? » Non, pas en tout, on est des amis de Sébastien. Donc, bon, c'est ça. Ben, finalement, on n'est pas, on n'a pas tant de succès que ça. J'ai juste découvert, je peux m'imaginer maintenant qu'est-ce que ça fait comme effet d'avoir des amis en m'imaginant être dans ta vie, Sébastien. Voilà. Ouais, mais bon, pour me consoler un de peu. Rien. Pour me consoler, j'ai demandé à ma copine ce qu'elle en pensait, puis elle m'a dit « Inquiète-toi pas, Lucas, de toute l'émission, là, t'es mon deuxième animateur préféré. » Bon, ben tant mieux. Bon. Merci, Marie. Ben oui, merci, Marie. Bon, ensuite, j'ai été aussi, justement, j'ai dit au Zénob, il y avait un spectacle, c'était un hommage à Georges Brassens qui s'appelait « Brasser Brassens ». Ça m'a changé du spectacle que j'avais vu la semaine d'avant, Bleu Jean Bleu, qui n'était pas très bon. Eux, c'était des musiciens de jazz, c'était un duo. Il y avait une accordéoniste et un contrebassiste qui normalement font des groupes de jazz, qui fait qu'ils sont extrêmement virtuoses. Et entendre Georges Brassens chanter de cette façon-là, j'ai personnellement vraiment adoré. Sinon, dans ma semaine, j'ai écouté la fameuse émission « Les pays d'en haut ». J'étais juste content d'enlever des codes d'écoute aux jeunes loups. Non, mais finalement, Les Pays d'en haut, moi, j'ai bien aimé. C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un remake de la légendaire émission Les Belles Histoires des Pays d'en haut, version moderne, un peu Netflix, dans le style, au sens où on écoute une émission puis on n'a pas envie d'arrêter. On a envie de tous les écouter un à la suite de l'autre. Donc, je conseille cette émission-là aux gens. C'est un point de vue plus réaliste de l'époque. On voit vraiment c'était quoi vivre dans les colonies, tout ça. Sinon, ben, il y a dans l'actualité, ce qui s'est passé cette semaine. Bon, hier, on a Mélenchon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chef du Parti de gauche, c'est vraiment le nom du parti en France, qui a annoncé qu'il se présentait en 2017 pour les présidentielles. À savoir si ça va être intéressant, il va falloir suivre ça. Il y a tendance, Mélenchon, à faire quelques sorties un peu intéressantes, mais on lui reproche parfois un côté plus populiste, donc ça va être à suivre. Ça serait un genre de Bernie Sanders plus propre. Français. On va voir. Sinon, il y a le ministre Goodale cette semaine qui nous a appris en exclusivité à la presse. Oui, il était vraiment écrit en exclusivité, en gros, que la marijuana est toujours illégale au Canada. J'étais vraiment surpris. Pour ceux qui lisent les nouvelles. Ouais, non, c'est ça. Et bon, finalement, dernière petite nouvelle qui a beaucoup moins fait parler, l'Ontario qui a annoncé qu'il offrait des crédits d'impôt aller jusqu'à 13 000 $ pour les gens qui achetaient des voitures électriques. Quand même. Quand on parle du sérieux de Philippe Couillard qui s'en va à la conférence de Paris, au sommet de Paris, pour dire à quel point on est bon avec l'environnement ici, ça serait peut-être une piste à suivre, nos voisins ontariens. Et toi, bon. Sébastien, ta semaine? Ben, premièrement, j'aimerais dire qu'on donne quand même un crédit d'impôt qui va jusqu'à 8 000 $ sur l'achat d'une voiture électrique au Québec. Mais bon. C'est une autre affaire. De toute façon, ça sera le sujet d'une autre chronique parce qu'il faudra bien que je parle un peu de char à un moment donné dans cette émission-là. Ah, c'est déjà fait. T'as parlé de salon de l'auto l'autre jour. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'étais supposé de parler de ma semaine. Ce qui se passe avec ma semaine, c'est que je n'ai pas écouté le Super Bowl comme quelques millions de gens. Non, moi, ce que j'ai fait à la place, c'est que, ben, premièrement, moi, je trouve que le Super Bowl, c'est encore du sportivage de salon et je trouve ça. La seule chose que je trouve plus plate, en fait, que faire du sport, ben, c'est de regarder des gens faire du sport. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas écouté. J'ai gardé, en fait, la seule bonne chose qu'il y a par rapport au Super Bowl, c'est les ailes de poulet. Fait qu'avec ma copine, on s'est fait des ailes de poulet maison, puis on a écouté Once Upon a Time sur Netflix. D'ailleurs, ceux qui connaissent pas Once Upon a Time, c'est une série très intéressante. En gros, la prémisse, c'est que tous les personnages des films de Disney, autant Blanche-Neige que Mulan ou tout ça, ils existent pour de vrai dans une espèce de monde parallèle. Et la méchante reine, c'est-à-dire la méchante de Blanche-Neige, dans le fond, celle qui a empoisonné Blanche-Neige, pour se venger du fait que les gentils sont toujours contents à la fin de leur histoire, elle les a transportés dans notre monde plate. Alors, elle les a fait oublier qu'ils étaient, puis elle les a fait vivre des vies plates dans une ville au Maine qui s'appelle Storybrooke. Puis là, ben dans le fond, au début de l'histoire, le fils de la méchante reine, qui est en fait son fils adoptif, retrouve sa mère biologique, qui se trouve être la fille de Blanche-Neige et du prince charmant, qui a été amenée quand elle était bébé naissant dans notre monde, qui a grandi dans notre monde, et qui est une badass agente de recouvrement, qui finit par devenir la shérif de la ville de Storybrooke. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que, bon, la shérif, c'est la représentante de la police dans cette ville-là, et c'est elle qui, dans le fond, elle se met à confronter la mairesse de la ville, qui est en fait la méchante reine, qui, d'une manière ou d'une autre, s'efforce, avec des plans machiavéliques, de ruiner la vie des gens. Donc, c'est vraiment agréable de voir, pour une fois, les forces de l'ordre, dans une émission, oui, mais quand même, de voir les forces de l'ordre, les forces policières, dénoncer les actions malfaisantes de nos dirigeants au lieu de les baquer. On voit qu'on est pas si loin du conte de fées, finalement. Effectivement. Effectivement. Donc, c'était tout pour la semaine. On s'en va tout de suite en musique avec Mordicus et la chanson « Grandeville ». Donc, rebonjour, vous êtes toujours à La Sortie de Secours est à votre gauche et c'était la chanson « Grandeville » du groupe Mordicus. Donc, cette semaine, on vous parle un peu d'un problème qu'on vit à l'université, c'est-à-dire que, bon, j'en ai parlé à l'Assemblage requis hier, la hausse des frais de scolarité possible des étudiants internationaux. On a deux représentants du comité contre la hausse qui sont venus nous rejoindre pour nous parler un peu de ça. Il s'agit de Guy Haïssi, président du Complice. Bonjour. Et de Manfous Lawani, secrétaire général du groupe Complice. Bonjour. Donc, Guy, Manfous, vous êtes venu ici, dans le fond, pour nous parler, des tenants et aboutissants de la hausse des frais de scolarité des étudiants internationaux qui vous pend au nez, en fait. Vous êtes deux étudiants de cette catégorie-là. Effectivement. C'est ça. Vous avez tenu, je crois, c'est dimanche, une assemblée générale avec les autres étudiants étrangers. Vous avez eu une association étudiante des étudiants étrangers. Effectivement, nous avons tenu dimanche une rencontre avec l'ensemble des étudiants étrangers pour qu'ils aient l'heure juste par rapport à la nouvelle qui circulait. La nouvelle étant partie le 2 février d'un article de Tommy Chouinard de La Presse, et puis qui disait que les universités, les recteurs des universités auraient la possibilité d'augmenter jusqu'à 25% la scolarité d'un étudiant international pour pouvoir pallier aux coupes qui étaient prévues. Évidemment, pour nous, c'est une nouvelle qui est un peu inquiétante dans la mesure où beaucoup d'entre nous, on paye à peu près 16 à 20 000 dollars chaque année pour la scolarité. Ouch. Ça reviendra à une hausse de 4 000 à 5 000 dollars par année. C'est vraiment énorme. Ce qui est en fait presque le double de ce que les étudiants natifs du Québec payent actuellement. C'est quand même assez... C'est quand même assez beaucoup pour nous. Mais là, vous allez faire quoi? Là? Parce que nous, on a vu une hausse pas mal plus petite que ça, puis on a foutu le bordel au Québec pendant presque un an. Là. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ce qu'il y a avec ça, c'est qu'il y a de la mobilisation qui se fait, tant au niveau de l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais aussi à l'échelle du Québec, avec un collectif qu'on appelle « Je soutiens les étudiants étrangers ». C'est clair qu'on veut vraiment faire comprendre au gouvernement, comprendre aux institutions que c'est une hausse qui est très préjudiciable pour nous et puis qu'on s'organise un peu pour faire entendre cette position-là. Je sais aussi que, bon, vous avez demandé, je crois, à rencontrer le nouveau recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est en poste depuis à peu près une semaine, si je ne me trompe pas. Effectivement, il est rentré en poste lundi dernier. C'est ça. Et c'est le recteur qui va décider si, dans le fond, le gouvernement, si je comprends bien, a fait des nouvelles coupes dans l'université. Et au dit aux universités, vous allez avoir le droit, si vous voulez, d'augmenter les frais. Donc, présentement, est-ce qu'il y a eu une prise de position à l'UQTR? Bien, déjà, on commence par souhaiter la bienvenue à notre nouveau recteur. Et puis, il a démontré certaines volontés de discuter avec l'Association générale des étudiants. De quelle façon? Je pense qu'il y aura des rencontres prévues dans les prochaines semaines. Et puis, l'Association générale des étudiants, l'AGUQTR, on travaille de concert avec eux pour faire entendre notre position. Donc, si vous voulez, un peu, on essaye déjà de parler d'une... On essaie d'aller dans une voie plus de concertation, de dialogue dans un premier temps, avant de voir c'est quoi qu'on pourrait faire par la suite. C'est une très bonne idée. Est-ce que la GEQTR a pris une position officielle à ce sujet-là? Oui. Et ils l'ont proclamé la fois dernière à l'Assemblée générale des étudiants. C'était le mardi passé. C'était mardi cette semaine. Oui, c'est quoi la position qui a été prise? Mais qui nous soutiennent, qui sont contre la hausse des frais des étudiants étrangers. C'est génial. Et c'est rassurant parce qu'on constate qu'on n'est pas seul dans l'aventure. Il y a d'une part l'AGUQTR qui a pris position, mais pas seulement. Il y a des associations plus aussi au niveau national qui ont pris position, l'association des étudiants telles que la C, l'AVEC, l'UEC, et aussi la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec qui a pris position. Donc, on est content quand même de constater ce soutien qui vient un peu de pratiquement tous les corps qui sont impliqués dans l'université à Trois-Rivières et à l'échelle du Québec. Là. Et il y a aussi des orateurs qui ont carrément dit qu'il ne faut pas augmenter les frais de scolarité des étudiants étrangers comme à Rimouski et à Chicoutimi. Non, absolument. Ça, je crois, dans ces petits villes-là, moi, j'ai été à l'UQAC et effectivement, il y a énormément d'étudiants étrangers. Puis c'est vraiment une bonne chose parce que c'est une ville qui, à mon avis, a besoin de diversité et d'étudiants étrangers énormément. C'est une très bonne chose dans le paysage culturel. Ça fait du bien. Puis je crois que c'est le cas ici aussi, nécessairement. Mais vous auriez quoi justement à répondre? Parce que parmi la population, il y a une certaine tranche de la population qui est d'accord avec ce hausse-là en disant de toute façon, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent ici, qui profitent du fait qu'il y a des frais assez bas et qui après ça vont retourner. C'est quoi le bénéfice d'avoir des étudiants étrangers? Et il y a plusieurs bénéfices d'avoir des étudiants étrangers. Si je prends juste au niveau global en termes d'immigration, beaucoup d'étudiants qui finissent leurs études ici restent. Il y a une partie qui s'en repart, mais il y en a une grosse partie qui reste et qui peuvent profiter du programme d'immigration pour devenir résidents permanents, donc travailleurs qualifiés au Québec. Évidemment, ce que ça fait d'augmenter des frais, c'est juste que c'est uniquement les plus fortunés qui seront attirés par l'éducation au Québec, pas forcément les plus brillants. Et à la fin, peut-être que le marché de l'emploi au Québec aura des répercussions à ce niveau. Et l'autre chose aussi, c'est qu'étant en région, c'est toujours difficile pour des régions d'être plus attractives dans un contexte où la vie devient, où les frais augmentent et la vie devient plus chère. C'est pas évident de trouver du travail pour soutenir ses études pendant l'été. Donc, c'est un peu une sorte de décision dans laquelle nous sommes tous perdants au niveau, nous, de pouvoir faire des études de qualité et la société québécoise de profiter d'une main-d'œuvre qualifiée plutôt qu'une main-d'œuvre davantage riche, si je peux parler un peu comme ça. Vous pouvez absolument. Vous pouvez très bien. C'était d'ailleurs un des arguments qu'on a sorti en 2012 quand c'était les étudiants natifs qui faisaient face à une hausse de frais de scolarité. C'était de dire, ben, ce qu'on veut, c'est effectivement de main d'œuvre. On veut les meilleurs à l'université et non nécessairement les plus riches. Oui. C'est une chose qui revient souvent. Puis d'ailleurs, Lucas parlait, il y a une frange de la population qui a peut-être certains préjugés. Un des préjugés qu'on entend aussi, c'est que justement, c'est déjà les plus fortunés des étudiants, mettons surtout les étudiants africains qui viennent ici. Puis on nous dit, on entend ça des fois, on nous dit, c'est les plus riches, ils ont tout de l'argent, ça ne change rien pour eux autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Mais effectivement, c'est pas tout à fait vrai parce que beaucoup de ceux qui viennent ici viennent à travers des programmes de bourse, des bourses de la francophonie, des bourses d'excellence en collaboration entre le Canada et les pays d'où est-ce qu'ils viennent. Et je peux dire ici que c'est vraiment la crème de la crème qu'on choisit parce que moi, je pense, j'avais été refusé plusieurs fois avant d'être accepté finalement parce qu'il y avait d'excellents candidats qui avaient de bonnes notes. Et lorsque, moi, je prends le cas du Cameroun, quand on va à l'ambassade du Cameroun pour le visa canadien, donc québécois, il y a une phrase qui est écrit tout en haut du formulaire qui dit « Étudier au Canada, ce n'est pas une faveur, c'est un privilège. Privilège parce qu'il faut être non seulement brillant intellectuellement, mais aussi avoir la capacité de payer si on n'est pas… de payer pour pouvoir arriver ici. » Donc, il y a bien sûr des étudiants nantis, venant de familles nantis, mais il y a aussi beaucoup, à cause de la politique de sélection à l'extérieur, lorsqu'ils arrivent ici, c'est vraiment des étudiants avant tout brillants et non des étudiants nantis. C'est bien dit. Merci. Est-ce qu'il va y avoir prochainement des prises de position? Dans le fond, votre comité, c'est quoi son rôle dans les prochains jours? Oui, actuellement, on est en train de travailler en comité pour essayer de répartir les tâches, pour savoir qui fera quoi. Donc, pour le moment, on a eu juste à avoir quelques idées, à savoir quel sera notre logo, notre slogan. Si, après la rencontre avec le recteur, on sent que le recteur n'est pas favorable, est favorable à l'augmentation des frais, on est obligé de faire des marches, de signer des pétitions, de montrer carrément notre mécontentement en faveur de cette décision que le recteur prendra si, effectivement, il n'a pas, je sais pas comment je l'ai dit, s'il pense que, parce que... S'il ne veut pas collaborer. Mais disons, dans un premier temps, vraiment, comme je dis, la démarche, c'est de collaborer, de discussion, d'écoute, un peu de savoir c'est quoi l'heure juste, c'est quoi ce qui est exactement prévu. Et donc, on est avec la GEUQTR, on travaille de concert avec eux pour aller écouter ce que la communauté l'administratif va pouvoir nous dire. À partir de là, on va réajuster notre action. Tout reste quand même possible et envisageable. Allant de démarches, allant des pétitions, tout ce qu'on veut. Mais effectivement, de faire vraiment comprendre que c'est une mesure qui nous asphyxie de façon financièrement. On a parlé dernièrement du lancement de la banque alimentaire par le groupe universitaire. Il ne faut pas être magicien pour comprendre que la plupart de ceux qui y vont sont des étudiants internationaux. La situation est difficile. Beaucoup arrêtent de fréquenter parce qu'ils n'ont pas la capacité de payer et puis s'en retournent chez eux. C'est un peu dommage. Donc, on est inquiet. On laisse cependant aussi le temps à la discussion, mais après, on se réserve, bien sûr, le droit d'activer d'autres leviers d'action pour faire comprendre cette voie-là, notre position. Et on sera là pour vous encourager si on en vient là, on n'espère pas. Par contre, ça, je n'étais pas au courant du tout de ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup, le taux de désinscription et d'abandon chez les étudiants étrangers, justement à cause des coûts, est assez élevé? Il n'y a pas de données chiffrées qui va venir soutenir ça, mais au sein du campus, nous avons beaucoup d'associations par pays, mettons l'association des Français, des Camerounais, des Ivoiriens, des Togolais et tout. Et on constate à l'intérêt de ces communautés qu'il y en a parmi nous souvent qui ont commencé puis qui terminent par leur programme. Il y en a qui ont une situation vraiment difficile. Si. Donc, on peut à partir de là quand même imaginer ce que ça fera d'augmenter davantage encore les frais de scolarité. Donc, encore, c'est l'image qu'on a de l'étudiant étranger bien nanti qui est totalement fausse. C'est un préjugé contre lequel il faudrait se battre. Ouais, il faut se battre contre ça. Il y a bien une partie, effectivement, c'est ce qui en est. Mais quand on parle de l'Afrique aussi, je pense pour beaucoup, c'est pas tout à fait le cas, même aussi de l'Europe, même de l'Amérique latine aussi. C'est un préjugé qu'il faut effectivement combattre, oui. Effectivement. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous avez des associations par pays d'origine. Ça vous permet d'avoir un peu comme une espèce d'action communautaire, si je comprends bien. Oui. Comme ça, vous constatez, sans avoir de recherche, parce que malheureusement, c'est un problème à l'UQTR. On n'a pas assez de sciences sociales. Donc, il n'y a pas nécessairement autant de recherche qui se fait sur la population étudiante. Mais si je comprends bien, vous êtes capable d'avoir un certain... C'est un retour, là, une certaine impression de ce que ça peut faire. Et puis, faut savoir aussi que c'est très courageux, c'est notre démarche de quitter nos pays, de quitter nos parents pour venir faire des études ici. Et c'est pas évident aussi, à chaque fois... Et à l'hiver, qui est très difficile. Non, c'est sérieusement chapeau, j'aurais pas le courage de faire ce que vous faites. J'aimerais juste ajouter, parce que à la rencontre, il y avait un étudiant qui avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il disait, avant de venir ici, ses parents ont dû vendre une partie de leurs biens. Donc, admettons, prenons cet étudiant, que ses parents se sont sacrifiés pour lui, et que du jour au lendemain, on dit, voilà, encore on augmente les frais de scolarité. C'est sûr que si... les parents ne se suicident pas, c'est celui qui retournera au pays. Donc, franchement, on souhaiterait que le recteur n'augmente pas les frais de scolarité des étudiants étrangers. Effectivement, c'est un beau témoignage. Bon, est-ce qu'il y a une plateforme Facebook, un groupe où est-ce qu'on peut suivre ce qui va se passer à propos de ça? Il y a deux groupes. Mais il y a au niveau plus québécois, là, à l'échelle plus du Québec, avec des associations qui viennent de Montréal, de Laval, de Sherbrooke, sur Facebook, la page « Je soutiens les étudiants étrangers », qui a aussi un pendant sur Twitter qui est « Alt, je soutiens, E majuscule ». C'est à l'intérieur de ces groupes-là qu'on discute avec l'ensemble des étudiants à l'échelle du Québec pour avoir une action concertée. Et plus à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il y a la page... Union contre la hausse des frais scolarité. Union contre la hausse des frais de scolarité des étudiants étrangers. Internationaux, excusez-moi. C'est parfait. Ça va être des pages, on va les partager sur notre propre page Facebook de l'émission de radio. Et vous nous tiendrez au courant s'il y a des événements, si vous avez besoin d'une tribune éventuellement parce que les négociations ne vont pas bien, on vous l'offrira. Ça nous fera un grand plaisir, on vous soutient. Oui, et sur ces belles paroles, avez-vous une dernière chose à ajouter? J'ai une dernière chose à ajouter. Demain, il y a mon pays en 180 secondes à la Chasse Galerie. Et oui, toute la communauté universitaire est invitée. Ça nous fera plaisir de voir tout le monde. C'est quoi au juste? C'est un concours de vulgarisation où chaque candidat est appelé à présenter son pays en 180 secondes, c'est-à-dire en 3 minutes. Et on a des membres de jury, on a des invités d'honneur. Et le premier a un prix, le deuxième a un prix, le troisième a un prix. Et il y a un vote du public, ce qui fait que s'il y a beaucoup de membres de la communauté qui se déplaceront demain, ils pourront choisir quelqu'un qui pense qu'il mérite, que le jury n'a pas pensé à décerner le prix. C'est parfait. Juste pour rajouter à ce qu'il vient de dire, on a 15 pays qui sont déjà représentés pour l'épreuve. Le discours d'ouverture de lancement officiel sera fait par monsieur le recteur en personne, qui l'a confirmé, qui essaiera de parler en 180 secondes de l'une de ses expériences internationales antérieures. Et ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et puis, ça nous conforte aussi dans sa volonté de communier avec nous. On pense qu'à partir de là, on peut avoir quand même un dialogue on pourra s'écouter mutuellement à partir de là. C'est un bon point de départ, oui. Non, c'est tout. C'était ce que je voulais rajouter, que le recteur aussi voulait participer au défi en faisant sa présentation en 180 secondes. Bon, mais c'est parfait. Donc, sur ça, on va s'en aller en publicité. Je vous remercie énormément. Vraiment, ça a été éducatif et on va suivre ça de près. Donc, on va partir en publicité. Merci. De retour. Vous êtes assis. 89.1. C'est fou. Docteur, le patient est en hémorragie interne, puis son pouls est en chute libre. On fait quoi? Oh, faudrait essayer d'y enlever l'os du genou sans que le nez allume puis que ça sonne, là. Il y a des choses qui s'improvisent pas. Pour tout le reste, il y a la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, les lundis 20h à la Chasse-Galerie de l'UQTR. Prochain match, le 15 février, c'est la Coupe Trois-Rivières. Relax, déconnecte, mot-clic, ose la huître. Samedi 13 février, 21h30, votre café-bar Le Zinob reçoit la formation Midnight Rodeo. Pour une soirée synth-pop au son très 80, soyez au Zinob ce samedi 13 février pour le spectacle de Midnight Rodeo. Le Zinob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Connais-tu ton alma mater? Du 15 au 25 février, le Bureau des diplômés présente le concours en ligne offert à tous les étudiants de l'UQTR « Connais-tu ton alma mater? » Comment participer? C'est simple. Rends-toi sur la page uqtr.ca/diplôme/circuit/quiz, remplis le formulaire en ligne et cours la chance de remporter une des deux cartes Visa prépayées d'une valeur de 250 $ chacune. Du 15 au 25 février, participe au concours « Connais-tu ton alma mater? » Vous êtes assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Rebonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche sur les ondes de C'est fou 89.1. La sortie de secours est à votre gauche, l'émission d'actualité avec 53% moins de biais idéologiques que les émissions de Radio-Canada. vous êtes avec moi-même, Sébastien Gartin et Lucas Hubert. Rebonjour. Avant la pause, on était avec Manfous Lawani et Guy Ayessi, deux exécutants du groupe Complice, qui sont aussi, qui est dans le fond un groupe pour aider à l'intégration des étudiants internationaux, qui venait nous parler de la hausse de scolarité auquel les étudiants internationaux vont peut-être faire face. On venait nous parler un peu de c'est quoi la vraie situation des étudiants internationaux à l'UQTR et au Québec, et aussi nous parler en fait de ce qu'ils comptent faire pour s'opposer à cette hausse-là. C'était pour notre première moitié d'émission. On serait rendu à vous présenter notre champion de la semaine. Alors c'est ça, le champion de la semaine. Cette semaine, on a décidé de vous parler des députés français. Pour ceux qui ont suivi ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un vote cette semaine pour changer la Constitution. Bon, la manière que ça fonctionne en France, c'est que ça prend le 2/3/5 des voix pour changer la Constitution. Ce qui est arrivé, c'est que quand le vote a eu lieu, c'était mardi soir, très tard, aux alentours de 22h30, et que, bon, sur la quantité, le total de députés, c'est 500 quelques députés. Ben, il y en a 441 qui étaient absents. Donc, il y a eu un vote finalement de 103 pour et 26 contre. Et bon, c'est ça. Le but de ça, c'était d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence dans lequel la France est depuis les attentats de Paris. Et il y avait aussi un article qui visait à rajouter à la Constitution le droit d'enlever la citoyenneté, la nationalité, excusez, à des gens qui se verraient. En fait, ce qui a été dit par le premier ministre, M. Valls, c'est des gens qui vont s'attaquer à l'âme de la France. On sait que l'âme et la France est avec des A et F majuscules, parce que les Français parlent souvent comme ça, excusez-la. Comme tu disais, Lucas, cette semaine, notre champion de la semaine, c'est en fait des champions de la semaine. C'est un ouvrage collectif. Oui, les Français. Les représentants élus français. Les élus français, donc, qui prenaient très peu au sérieux, surtout pour le pays qui est supposé d'être le pays des droits humains. Surtout de prendre une décision qui va complètement à l'encontre des droits humains. On le sait, retirer la citoyenneté de quelqu'un, en fait, ça peut... on peut pas être contre la vertu au nom de la guerre aux terroristes, renvoyer les terroristes dans leur pays. Oui, effectivement. J'ai d'ailleurs ici une citation de Hélène Geffroy, qui est la maire du Parti socialiste de la région de Vaux-en-Velin. Je sais pas, je le prononce probablement très mal, mais elle a dit, quand elle a vu ça, cette loi-là, et je la cite... Quand nous avons nous-mêmes enfanté les monstres, comment fuir nos responsabilités? Bien, c'est effectivement ça. Quand on sait, bon, premièrement, il y a plusieurs jeunes qui étaient reliés à l'État islamique en Europe sont nés dans les pays comme la France et la Belgique, premièrement. Mm-hmm. Deuxièmement, même si on sort tout de cette idée-là, si on va un peu au-delà de la rhétorique de la guerre contre le terrorisme et tout, c'est que un des dangers avec ce genre de mesures-là, c'est qu'on crée des citoyens de seconde zone, en fait. parce qu'il y a des ce qu'il faut spécifier, c'est qu'on peut pas retirer la nationalité française de quelqu'un qui a uniquement la nationalité française, parce que là ce qu'on crée, c'est ce qu'on appelle un apatride, c'est-à-dire quelqu'un qui a pas de nationalité dans le fond, qui est pas relié à aucun pays, excusez-la. Et qui, donc, dans le fond, se retrouve là, dans une espèce là encore, excusez le terme anglais, mais « no man's land » administratif. Donc, premièrement, c'est ça. Donc, on le fait pas parce que ça serait... c'est retirer tous les droits, en fait, à une personne parce que c'est notre pays qui est garant de nos droits. On n'est pas encore dans une utopie libertarienne. Donc, on dépend de la société à laquelle on appartient pour le respect de nos droits. Qui plus est, bon, donc, premièrement, c'est ça. Ça crée une espèce de dans le fond, ça crée des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire ceux qui possèdent deux nationalités. Deuxièmement, d'ailleurs, au Canada, on avait tenté de faire la même chose et ça n'avait pas passé. Même d'ailleurs, les gens avaient rigolé de ça. Est-ce que vraiment ça va empêcher un acteur? Est-ce que quelqu'un, genre, qui déteste un pays va se dire « Ah non, mais je l'attaquerai pas, j'aurai plus la nationalité de ce pays-là? » Mais évidemment, c'est complètement imbécile. Puis là encore, comme je dis, même si c'est pour des raisons très pratiques, c'est imbécile, mais même au-delà de ça, la France, c'est un pays de principe, c'est un pays des droits humains, puis c'est une grosse attaque aux droits humains, parce que quand on retire la nationalité d'un pays, c'est pas ça, on s'entend, on a tous, même les gens qui ont plus qu'une nationalité, puis là, j'ai l'air de m'emporter, parce que je fais ma maîtrise sur ces sujets-là. Donc, Julien, longueur. Quand j'ai proposé de faire le champion de la semaine sur ce sujet-là, je voulais juste voir Sébastien sortir des séries. Je suis rouge présentement, c'est pas à cause de mon chandail. c'est qu'une chose qu'on oublie, c'est ça, c'est que malgré le fait qu'on a plusieurs nationalités, on a toujours une nationalité qui est plus importante pour nous, c'est-à-dire celle du pays dans lequel on réside depuis un certain temps. Donc, retirer la nationalité de quelqu'un, mettons de quelqu'un qui, oui, peut-être serait né en Algérie, en Syrie, au Liban, n'importe quoi, mais qui a fait sa vie en France. Puis d'ailleurs, on le sait, souvent les accusations de terrorisme, on se rend même pas à avoir des tribunaux ou à quoi que ce soit, on règle le problème avant, puis la justice se fait pas tout le temps là non plus, mais on s'entend que quelqu'un qui choisit d'aller résider en France, malgré le fait qu'il est né dans un autre pays, est un Français. Donc, retirer la citoyenneté de cette personne-là, même si elle en a un autre, c'est quand même lui commettre violence. Puis c'est quand même commettre violence à ses droits, parce que de la nationalité, deux droits très fondamentaux. Premièrement, le droit à l'appartenance. C'est un droit humain. L'être humain est un animal social, on peut dire. On a besoin d'appartenir à un certain groupe, même pour d'un point de vue très, très biologique de base. C'est considéré comme un besoin fondamental. Et autre besoin fondamental, le besoin de sécurité. Puis là encore, c'est un besoin qui dépend de notre appartenance à une communauté politique. Mais là, Sébastien, t'es en train de défendre les droits des gens qui veulent s'en prendre à nos pauvres citoyens? Ben oui, parce que malgré le fait que c'est peut-être des criminels allégués, du moins, ça reste des personnes. Peu importe ce qu'on peut dire le contraire. Puis c'est ça la différence entre des droits fondamentaux puis des simples lois. C'est que les droits fondamentaux, malgré le fait qu'ils ne sont pas absolus, sont quand même inaliénables. Puis là, ça serait d'aliéner leurs droits fondamentaux. Puis il n'y a personne qui s'est encore rendu coupable de quelque chose qui fait qu'il n'y a plus droit à ses droits fondamentaux. Mais là, ce que tu me dis qui est intéressant, c'est que justement, habituellement, dans un pays, la justice se veut comme un système universel, donc qui s'applique de la même façon à tous les gens, à tous les citoyens. Et justement, ce que tu me disais, je crois, c'est que justement, le fait d'enlever la nationalité à des gens qui commettent un crime, c'est de créer une seconde zone de citoyens. Bien, effectivement. Parce que, justement, déjà là, c'est quelque chose qui s'applique... Ben, de toute façon, à la base, c'est une conséquence qui ne s'applique pas à toute personne vivant au pays, mais bien à un certain groupe de personnes. Donc, ça vise déjà un groupe de personnes. C'est-à-dire, dans ce cas-là, les gens qui sont nés ailleurs. Donc, ce serait comme de dire, il y a une justice pour ceux qui sont nés ici, un autre système de justice pour les gens qui sont nés ailleurs. Exactement. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on doit s'élever contre ce genre de choses. Donc, excusez-moi, je ris parce que je le vois qu'il y a le hockey puis qu'il essaie d'avoir le hockey à côté du micro en plein milieu d'une crise de nerfs. C'est particulièrement drôle. Donc, je pense qu'on a assez fait sur le sujet. Je vais me calmer. Bon, pour t'aider à te calmer, je vais aller faire mon éditorial. Donc, bonne idée. L'éditorial de la semaine, on en a parlé pas mal cette semaine. Étrangement, à peu près deux jours après la sortie de mon avant-dernière chronique aux Ondes Campus, qui était où je faisais discuter François Blais sur le revenu minimum citoyen. Ben, François Blais discutait avec François Blais. Oui, ça, c'était mon article. Ben, c'est comme la journée, le jeudi. Il y a eu le remaniement ministériel et on a appris que Philippe Couillard donnait à François Blais l'émission de vraiment se pencher sur le revenu minimum citoyen puis peut-être de regarder pour en faire une mesure. Donc, c'est quoi ou juste le revenu minimum citoyen? Bon, en fait, c'est une allocation gouvernementale qui viserait à donner un chèque d'un montant uniforme, qui va pas nécessairement être le même à tout le monde, mais que le but c'est de simplifier l'administration, et donc le but c'est que ce soit le plus possible le même montant pour tout le monde. Ce serait pas une mesure qui serait ni de gauche ni de droite, contrairement à souvent ça a l'air d'être une belle mesure là, bien progressive. C'est progressif dans le sens où ça va aider beaucoup les gens dans la pauvreté, mais c'est pas nécessairement une mesure de gauche dans le sens où une des principales raisons pour laquelle un gouvernement veut faire ça, une raison pourquoi bon, c'est un gouvernement de centre-droite qui a appliqué cette mesure-là en Finlande, ça va commencer dès le 1er janvier 2017, et pourquoi ici c'est le Parti libéral du Québec qui pense à mettre mesure-là, c'est que le but de ça, c'est de se substituer à toutes les autres formes de prestations gouvernementales. Donc, en créant un revenu minimum citoyen, ça permettrait d'enlever toute la bureaucratie pour ce qui a trait, mettons, aux prêts et bourses étudiants, à l'aide sociale. Là, si on n'était pas au Québec, si on était au fédéral, on pourrait enlever aussi le chômage, on pourrait enlever le régime de retraite, des crédits d'impôt, diverses assurances sociales, entre autres. Tout ce qui est une prestation gouvernementale, on dit on abolit tout ça, on abolit toute la bureaucratie qui a besoin de gérer ça, on abolit tout ce qui est la paperasse pour dire est-ce que t'es admissible ou t'es pas admissible. C'est, on se casse pas la tête avec ça. Tout le monde, riche, pauvre, femme, enfant, homme, minorité ethnique, handicapé, vous avez un chèque de temps par mois. C'est sûr, on ne sait pas ici encore pour le Québec pencher sur ce montant serait de combien. Les chiffres qui avaient été dits, c'était notamment Québec solidaire propose ça depuis sa création il y a 10 ans. D'ailleurs, 10 ans de Québec solidaire cette semaine. Mais le chiffre qui est avancé par Québec solidaire, c'est 12 000 $ par année. Donc, 1 000 $ par mois. Pour un adulte. Ça va aussi en Finlande, je sais que le montant proposé c'est de 800 euros. Sauf qu'en Finlande, bon, c'est plus qu'au Canada, mais en Finlande, le coût de la vie est aussi plus élevé. Bon. Donc, c'est pas vraiment une mesure ni de gauche ni de droite. En fait, c'est plus un moyen d'essayer de substituer à d'autres prestations, ce qui peut être une bonne chose. Là, on se dit, quand on entend parler de ça pour la première fois, on a la première intuition qu'on a, c'est que oui, mais c'est pas juste parce que ça va envoyer aussi de l'argent aux plus riches. Mais en fait, c'est d'un point de vue moral que ça justifie. C'est qu'en fait, l'idée de ça, c'est que c'est un peu une garantie que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, le gouvernement te garantit qu'au moins tes frais de base, tes vêtements, ta nourriture, ton logement vont être garantis, dans le fond. C'est ça que c'est supposé de payer. Puis on considère que pour le faire dignement, ça prend 1 000 $ par mois au Québec. Oui. Et de toute façon, il ne faut jamais oublier, parce qu'on a vraiment tendance à l'oublier, qu'il existe une chose qui s'appelle l'impôt, qui est censé réguler les inégalités sociales. Donc, si quelqu'un est riche et en plus reçoit son allocation universelle, ben il y a l'impôt qui est censé aller chercher un certain montant. Donc, c'est pas vraiment une mesure injuste. D'ailleurs, dans le très bon livre de François Blais, qui est une introduction à l'allocation universelle. D'ailleurs, allocation universelle, c'est synonyme de revenu minimum citoyen. J'utilise les deux termes depuis le début. Il explique, il dit, regardez, quand on a créé au Canada le système de santé universel, on a eu les mêmes gens qui nous disaient que, mais voyons, ça n'a pas d'allure de faire ça de manière universelle comme ça. Les riches, ils ont de l'argent, ils n'ont pas besoin d'avoir le système de santé gratuit. Il dit, alors que présentement, aujourd'hui, il n'y a pas personne qui remet en doute que c'était une bonne idée de faire ça. Il dit, ça risque d'être exactement la même chose qui va se dérouler avec le revenu minimum citoyen. C'est qu'en fait, c'est pas injuste que les riches y aient accès aussi, parce que de toute façon, ils vont repayer via les impôts, via les taxes, via tous les systèmes qui sont déjà en place pour aller chercher ça. Ils vont leur payer ce qu'ils ont payé de plus. C'est le but. Mais là, Lucas, ils vont leur payer, Mais dans le cas ça, ce serait pas plus simple de ne pas leur donner? Ben non, parce que le but, justement, c'est de simplifier la bureaucratie. Donc, si on est obligé d'avoir des bureaucrates, des fonctionnaires qui vont venir fouiller dans notre vie, savoir, bon, t'as fait combien cette année? Bon, est-ce que t'as droit à ça? Est-ce que t'es handicapé? Est-ce que t'es monoparental? Est-ce que, etc. Là, on a des fonctionnaires qu'il faut payer pour faire ça. Alors que le fait de donner le même montant à tout le monde, ça permet de vraiment abolir une grande partie, de rétrécir l'État. Donc, c'est une des raisons pourquoi certains néolibéraux aiment bien l'idée. Un autre avantage du revenu minimum citoyen, c'est que c'est donné pas par ménage, mais par individu. Et ça, c'est une nuance qui est très importante à amener parce que présentement, la façon que ça fonctionne souvent, l'aide sociale et ces revenus-là, c'est qu'ils calculent le ménage, c'est-à-dire les gens, mettons une famille qui habite dans une même maison ou des colocs qui habitent dans une même maison, c'est quoi le revenu de ces gens-là? Et s'il y a un revenu qui augmente, les prestations vont diminuer. Donc, François Blais, dans son livre, c'est ce qu'il appelle le piège de la pauvreté. Il dit, imaginons qu'on a une famille qui est sur l'aide sociale et que, bon, le plus jeune veut entrer sur le marché du travail. Mais là, le fait que le plus jeune entre sur le marché du travail, il va gagner un revenu supplémentaire, ça va faire baisser les prestations de ses parents. Donc, il va avoir une pression à travers la famille pour que cet enfant-là ne travaille pas. Alors qu'en donnant une allocation aux individus, je veux dire, même si le plus jeune va travailler, ben, il va avoir encore son allocation, ses parents vont avoir encore une allocation. Donc, c'est une manière, un incitatif au travail pour François Blais de faire ça de cette façon-là. D'ailleurs, tu parles d'incitatif au travail, ça a été testé, ça, à différents endroits, ce principe-là, notamment dans une ville je pense que c'est au Manitoba. C'est le projet Mincombe. Vous pouvez googler ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Une des choses qui en est ressortie, c'est que le premier réflexe de toute personne un peu de mauvaise foi va dire « Ouais, mais là, c'est que ça décourage les gens de travailler. » Et bien au contraire, ce qui a été constaté, d'ailleurs, c'est pas la seule place que ça a été constaté, parce que ça a été testé à d'autres endroits, c'est le fait le plus marquant de ça, parce que évidemment, quand on fait un genre de test comme ça, le but, c'est de faire un paquet d'études par rapport à ça. Et ce qui a été remarquable, c'est le taux d'entrepreneuriat a augmenté. Il y a eu immensément beaucoup de gens qui se sont lancés dans des PME à ce moment-là, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'est-ce qui bloque les gens à partir des PME? Ben c'est le risque. Absolument. Il y a toujours un risque de ne pas faire d'argent. Donc, on attend d'avoir beaucoup d'argent de côté. D'un coup, que les premières années, la PME ne fonctionne pas très bien. Ce qui est normal, parce que les PME, c'est pas toutes. Souvent, ça va prendre des années avant qu'elles soient rentables. Donc, on veut bien se lancer en affaires, mais on ne veut pas ne plus être capable de payer notre hypothèque pour autant. Donc, l'effet de tout ça, c'est pas que tout le monde se pogne le beigne. Bien au contraire, c'est que plus de gens, en fait, sont plus actifs dans la société. Ça, c'est le principe que François Blais appelle le principe de cumulabilité. Ça, il veut dire que l'allocation universelle, le revenu minimum citoyen, ne doit pas être imposée. Parce que ça permet justement que chaque source de revenus supplémentaires va être cumulée à ce que tu gagnes déjà. Donc, il dit c'est le contraire de ce qui se passe présentement. Où est-ce que si tu reçois une prestation d'aide sociale, aussitôt que tu vas gagner un revenu, ton revenu va être déductible d'impôt à 100% jusqu'à échéance du montant de prestation que tu recevais déjà. Donc, si tu recevais 500$ d'aide sociale et que tu vas travailler à 10$ semaine, 50 heures, et que ça te donne 500$, tu vas te le faire imposer au complet. Est-ce que ça te donne envie d'aller sur le marché du travail? Pas du tout. Ben, ce que François Blais va dire, c'est que l'allocation universelle va régler ce problème-là, parce que tes revenus vont être cumulables, parce que ce montant-là n'est pas imposable. Donc, ça aussi, c'est un incitatif au travail. Effectivement. D'ailleurs, ça a l'air assez gros, là, mais l'idée aussi, il faut quand même le souligner, François Blais a dit que ça pourrait prendre de 20 à 25 ans avant de l'implanter au Québec. Donc, c'est pas pour demain, par contre. Effectivement. Lui, ce qu'il préconise dans son livre, c'est de faire ça de manière transitoire. La façon que ça fonctionnerait, c'est qu'on se dit, mettons, on va fusionner, là, je vais dire au hasard, on va fusionner les prêts et bourses et l'aide sociale parce qu'on calcule que c'est à peu près des montants équivalents. Bon, c'est pas vraiment le cas, mais c'est pour le bénéfice de l'exemple. Donc, on va fusionner ces deux-là. Là, à tous les ans, on va les augmenter. Puis, à un moment donné, on va réaliser que ce montant-là est rendu à peu près égal au montant des régimes de retraite. Donc, on va fusionner là-dedans les régimes de retraite. Et ainsi de suite, au fur et à mesure que le montant va augmenter, on va pouvoir fusionner pour finalement passer d'une allocation partielle à une allocation complète en 20-25 ans. Puis à travers de ça, parallèlement à ça, ben, on va réduire les structures bureaucratiques autour de ces choses-là, ce qui va financer en fait ce revenu-là. Oui. Pour la Finlande, d'ailleurs, ça, c'est un journal français qui citait l'Institut des statistiques de Finlande et j'ai pas retrouvé la source directe, mais dans le journal français, ce qu'il disait, c'est que en Finlande, ils ont aboli 50 milliards de dépenses en faisant ça et que ça leur a coûté la mise en place du projet 51 milliards. Donc, on parle d'une perte de 1 milliard, ce qui n'est pas énormément, mais il faut prendre aussi en compte là-dedans la mise en place, que, la mise en place du système, qui reviendra, c'est une dépense qui ne reviendra pas chaque année parce que le système va être déjà en place ensuite. Donc, probablement que ça va être, c'est totalement bénéficiaire. L'argent, ça coûte moins cher à l'État et l'argent s'en va directement aux gens plutôt que d'aller dans les poches des fonctionnaires. En fait, en Finlande, ce qui est drôle de voir, c'est que le seul groupe qui s'est opposé à la mise en place du revenu minimum citoyen, c'est le syndicat de la fonction publique, nécessairement parce que c'est là qu'il y avait le plus d'emplois qu'ils allaient se perdre. Mais au moins, que ces gens-là perdent leur emploi, ben, ils n'auront pas besoin de demander d'aide sociale, ils vont avoir accès au revenu minimum citoyen. Bien évidemment, puis c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est que en quelque part, c'est tout le temps triste de perdre des emplois. Puis les emplois de l'État, c'est quand même des très bons emplois. La différence, c'est que, comme je disais, bien, c'est que ça permet à plus de gens de devenir entrepreneurs. Ça leur donne l'espèce de base de sécurité pour devenir entrepreneurs. Puis ça leur donne une chance, justement, de peut-être prendre plus de temps pour mieux choisir ce qu'ils veulent faire et ainsi de suite. Fait qu'en augmentant la créativité, puis ça, je pense que ça prendrait des études, mais le retour là-dessus, c'est ça qu'on oublie, c'est que nécessairement, oui, les fonctionnaires, c'est des bons salaires qui payent de l'impôt, mais c'est quand même des salaires donnés à même le fonds consolidé du gouvernement, contrairement, mettons, des entrepreneurs qui, là, eux autres... Puis là, je vais sonner en gars de droite, là. Mais c'est ça, c'est pas une mesure de droite ni de gauche. C'est ça. Une mesure, François Blais dit, c'est pas ni de droite ni de gauche, c'est pragmatique. C'est ça, c'est que ce qui va arriver, c'est que là, ces gens-là vont créer de la richesse. Puis quand je dis entrepreneur, on s'entend-tu que en 2016, un entrepreneur en Occident, c'est pas quelqu'un qui part une mine, c'est quelqu'un qui fait des... ça va souvent être dans les services, dans l'innovation, dans la technologie. Qui sauve un site web. Notamment, oui, effectivement. Les grosses fortunes qui sont déclarées dans les 10 dernières années, c'est des gens qui ont parti des applications. C'est des trucs comme Facebook, Instagram, ces choses-là. Ça va encourager ça. Ça va encourager la créativité. Ça va encourager le développement. L'innovation. Puis là, je sonne vraiment comme François Legault. C'est ça que je me rends compte. Fait que je pense que je vais arrêter là. Bon, c'est le temps de ton billet d'humeur, là, Sébastien. Tu voulais nous parler de l'armée canadienne, hein, pour faire des pompées un peu. On les aime. Je pense que ça va être très rapide parce que nous autres, on a toujours une... On planifie toujours notre émission de manière assez serrée, puis là, ben, on a un peu tout chamboulé aujourd'hui. Mais très rapidement, il a été discuté par... dans le fond, c'était une promesse électorale de Justin Trudeau de retirer les CF-18 canadiens, les avions de chasse canadiens, de la guerre contre l'État islamique. Là, on est comme, mais quoi? Nous autres, on quitte pendant que les autres pays envoient plus de ressources et s'en vont se battre? Non, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. J'ai vu comme 3-4 caricatures là, cette semaine, là, où est-ce que on bombardait l'État islamique avec des Kalinours. C'est pas ça qui se passe? Non, c'est pas ça qui se passe. Parce que, bon, puis là, je suis encore en train de me pomper. c'est que ce qui va arriver, en fait, c'est qu'on va quand même, en fait, le Canada va payer plus cher sa participation à cette guerre-là, mais ça va être d'une manière qui, moi, je le trouve, et plus, puis là, je vais sonner fédéraliste, canadienne, c'est-à-dire pas la manière conservatrice Harper de « on va sortir nos gros guns puis nos gros avions ». Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va remplacer le soutien aérien qu'on donnait grâce à nos magnifiques CF-18, pas du tout vétustes. On va le remplacer par de l'aide logistique, c'est-à-dire des avions de surveillance et des avions de ravitaillement pour les autres qui, eux autres, ont des chasseurs qui ont de l'allure. Oh. Fait que bref, c'est une manière beaucoup moins phallique de le faire. C'est effectivement ça. On va aussi envoyer 200 soldats dans une mission de formation au sol, c'est-à-dire qu'on va apprendre aux milices locales à se défendre contre l'État islamique au lieu de nous autres mêmes le faire à leur place et faire plein de conneries. On va aussi donner plus d'aide humanitaire, faire de la diplomatie avec les pays qui entourent ça, et on va accueillir des réfugiés. Donc, c'est ça ce que je parle. Dans le fond, c'est que on peut résumer un peu le point de vue de Justin Trudeau qui est défendu, parce que là, tout le monde est en train de dire « oui, mais M. Trudeau, les couilles du Canada se dessèchent et tombent par terre, comme tu disais, très phallique comme manière de le voir. Ce que Trudeau a répondu à ça, c'est qu'il dit « Les frappes aériennes, ce n'est pas une solution à long terme. La solution à long terme, ce qui va faire qu'on va stabiliser cette partie-là du monde, c'est par de la construction. » Donc, il dit « C'est du développement à long terme qu'il faut faire, puis c'est ça que le Canada va faire. » Donc, il dit « C'est pas parce qu'on était inefficace, ce que les commentateurs se désolent, y compris les commentateurs de gauche qui sont normalement complètement opposés à toute forme d'intervention armée. » Ils sont comme « Oui, mais les CF-18, ça marchait. » Oui, ça marche, parce que oui, j'ai fait des farces sur le fait que son Vitus, mais Colin, c'est quand même un avion de chasse qui vaut je ne sais plus combien de centaines de millions de la pièce. Là. C'est quand même pas juste un hélicoptère téléguidé qui pitche des en tout cas. Donc, ça, c'est une affaire. Il y en a qui vont dire aussi, on risque plus de vie de soldats canadiens de cette manière-là. On s'entend-tu? Oui, ils sont à terre. Oui, il y a des soldats qui vont peut-être être dans des zones dangereuses. Oui, ils vont y compris accompagner les miliciens dans des opérations. C'est certain, c'est sûr que c'est un peu plus dangereux. Mais Saint-Simonac, c'est des soldats à un moment donné. Puis bon, on sous-entend une mauvaise foi de Trudeau. Or, moi, ce que je dis, c'est que Puis là encore, moi, ça fait vraiment drôle de aujourd'hui, j'ai l'impression de défendre tout le monde que je suis au compte normalement. Mais je vous rappelle quelqu'un qui a existé dans l'histoire du Canada, qui s'appelle Lester B. Pearson. Il a été premier ministre, d'ailleurs, juste avant le Trudeau père. Oui, il a eu un prix Nobel. Exactement. Il a été premier ministre du Canada de 1963 à 1968, puis il avait reçu en 1957 un prix Nobel de la paix pour son œuvre diplomatique, mais particulièrement pour la création des casques bleus de l'ONU. Qu'est-ce que les casques bleus, rappelons-le, parce qu'on a un peu oublié c'est quoi depuis les 10 ans conservateurs, c'est que dans le fond, les casques bleus, en très très gros, c'est des soldats, c'est des pays qui prêtent des soldats à l'ONU pour aller... Au lieu d'aller faire de l'attaque, c'est d'aller défendre les populations locales contre différentes choses qui peuvent se passer là-bas. Donc, c'est des soldats, c'est ce qu'on appelle une armée de maintien de la paix, qui est une armée internationale. Et c'est un premier ministre canadien qui a créé ça. Puis c'était ça la tradition canadienne avant, que d'ailleurs Trudeau père, que pour qui j'ai plus ou moins de respect, a lui-même poursuivi cette tradition-là à l'international. En fait, tout le monde, jusqu'en 2006, poursuivait cette tradition internationale-là. Même les anciens conservateurs, le gouvernement Mulroney, entre autres, était très, très à fond dans cette tradition canadienne-là. C'est juste depuis les 10 ans du gouvernement Harper qu'on a changé ça. Donc, je crois qu'en fait, c'est que l'armée canadienne, avec ce changement de mentalité-là de sa mission, revient à ses sources. Donc, c'était mon billet d'humeur. C'était presque aussi éditorial que ton éditorial. C'est correct, on aime ça comme ça. Donc, il nous reste peu de temps pour l'émission. Rapidement, l'herbe est toujours plus jaune chez le voisin du sud. On a eu encore des nouveaux... Des nouvelles primaires. Des nouvelles primaires. New Hampshire. Et Bernie a gagné! Et oui! Chez les démocrates, Bernie Sanders s'en est tiré avec 60,4% des votes. Ça lui donne 15 délégués sur 24 chez les démocrates contre Hillary Clinton avec 38%. Donc, un peu plus que la moitié. En fait, elle a eu... pas tout à fait les deux tiers de ce que Sanders a reçu. Et elle a eu 19 délégués. Puis là, ça regardait mal pour Sanders à ce moment-là parce que il y a une chose qu'on appelle les superdelegates qui sont des délégués. Dans le fond, ça, c'est les gens qui vont constituer le bureau local, dans le fond. Ça, d'ailleurs, probablement que tu pourrais l'expliquer un peu mieux que moi, mais en très, très gros, c'est là qu'il y a le nerf de la guerre. C'est le nombre de délégués qu'ils ont eu. C'est pas nécessairement les votes Absolument. Qui est important. Dans le fond, les États vont élire des délégués, que ce soit à travers des caucus. Certains États, comme l'Iowa la semaine passée, c'était des caucus. Donc, c'est plus les membres du parti qui votent. Là, il y en a d'autres où est-ce que, comme le New Hampshire, c'est des primaires, c'est-à-dire tout le monde peut voter pour savoir qui va être à la tête du parti. Ça va envoyer des délégués, mais il y a les membres du parti qui, en plus, vont pouvoir voter pour des super délégués. Donc, il faut s'imaginer, c'est comme si on avait une course à la chefferie au Parti québécois et qui disait, bon, ben... ça arrivera pas bientôt, ça. Mais non. Bon, jamais. Puis qui disait, au lieu d'être juste les membres du Parti québécois qui vont voter, tout le monde a le droit de voter à la course à la chefferie. Donc là, les gens s'en vont voter à la chefferie, mais que le PQ, pour pas que ça soit justement des caquistes qui décident c'est qui va être leur chef, ils vont dire, mais on se garde quand même le droit d'avoir un autre vote pour les membres qui vont compter pour un pourcentage du nombre total. Donc, c'est un peu ça qu'il y a avec les super délégués. C'est là-dessus que Bernie, notre cher Bernie national, aurait pu se faire avoir. C'est-à-dire que si le parti avait décidé de quand même donner tous les délégués à Clinton, même il y avait un scénario possible où, malgré le fait que Bernie avait une plus grande majorité que Clinton, mais se retrouvait avec moins délégués que lui, qu'elle, plutôt, excusez-la, là, je suis en train de me mêler dans mes pronoms. Donc, mais c'est pas ça qui a eu lieu. Ça a été 15 délégués pour Bernie, puis 9 pour Clinton. Donc, ça, c'était pour nos amis les démocrates. Du côté des républicains, ça s'est relativement bien passé pour Trump. En fait, ça s'est très bien passé pour lui. Il y a eu 35% des suffrages, donc ça lui donne 10 délégués. Il y a eu un en fait, le candidat cendrillon du New Hampshire, ça a été John Kasich. Je sais pas trop comment est-ce qu'on le dit. K-A-S-I-C-H. Personnellement, moi, je suis un peu moins ça que toi, Lucas. C'est la première fois que j'entendais parler de lui. Lui, il a eu 15,8% avec 4 délégués. En fait, lui, c'était semi une surprise parce que c'est un inconnu, mais lui, ce qu'il a fait, c'est que depuis le mois de juillet, qu'il s'était installé au New Hampshire puis qu'il faisait toute sa campagne au New Hampshire. Lui, ce qu'il espérait, c'est que justement, il allait comme arriver comme c'est qui, lui, un jeu sur la soupe, puis là, tout le monde allait regarder c'était qui. Ce qui allait lancer sa campagne pour le restant des États-Unis, ça l'a plus ou moins porté fruit. On est quand même il est quand même deuxième. Donc effectivement, les gens sont comme c'est qui lui? Il va faire parler de lui, à savoir si ça va porter fruit. En fait, c'est un candidat, c'est Parti républicain, c'est un candidat de droite, qui est très très de droite dans à peu près toutes les positions, sauf une chose. Il y croit au changement climatique. C'est le seul. Est-ce que ça va devenir notre ami de l'émission du côté républicain? Non. J'ai lu aussi. Puis il est pro-gun, pro-peine de mort, contre l'avortement, etc. Mais il y a juste ça qui est un petit peu moins à droite que les autres. C'est comme Ted Cruz en moins pire. D'ailleurs, parlant de Ted Cruz, lui, ça a été un peu une contre-performance. Ted Cruz a fini avec 11,7% des votes. Ça lui donne 3 délégués, donc un de moins que John Kasich. Ensuite de ça vient presque à égalité avec lui Jeb Bush, le petit frère de George W. Bush fils, avec 11%, et Marco Rubio avec 10%. On est vraiment content que lui réussisse pas plus que ça. Oui, il y a aussi les deux candidats qui ont amassé le moins de votes qui ont officiellement abandonné la course. Ouais. Moi, je suis resté d'ailleurs. D'ailleurs, on va le mettre sur la page Facebook tout de suite après l'émission. Je me suis amusé à faire des petits tableaux comparatifs. En gros, j'ai comparé ça avec le vote en Iowa, parce qu'en Iowa, vu qu'il n'y avait pas de délégués, en tout cas, on n'a pas le temps. Vous allez voir sur notre groupe Facebook, mais ça reste que, présentement, c'est quand même Donald Trump qui est en avance, suivi de quand même presque 10% par Ted Cruz. Donc, c'est encore nos deux super ennemis de la civilisation qui sont chez les conservateurs. On vous remercie pour l'écoute. Donc, on va les petits tableaux de Sébastien vont être sur notre page Facebook. La sortie de secours est à votre gauche. Ouais. Et c'était tout pour juste aujourd'hui. Juste pour spécifier, en fait, avant de clore, on va être la semaine prochaine, on revient à la même heure, c'est-à-dire à jeudi 13h pour une nouvelle émission. On va être en rediffusion samedi à 9h. On peut lire Lucas dans le Zone Campus à toutes les deux semaines, en page 5, dans l'éditorial. Et moi, je suis assemblage requis le mercredi matin à 8h. Donc, c'était tout pour cette semaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine!